Donc bonsoir à tous, excusez-moi pour ce petit intermède technique. Voilà, je voulais, donc Sophie Mouton, conservatrice du patrimoine au Palais des Ducs de Lorraine, Musée Lorrain, donc à Nancy, et je voulais profiter de la thématique qui nous était offerte durant ces deux jours à Écuré, donc la thématique de la forêt, pour vous présenter une toute nouvelle acquisition du Musée Lorrain, une acquisition en fait qui s'est faite sous forme de don. Hein, puisque le musée a la chance d'accueillir très régulièrement la générosité de donateurs. Donc vous présentez donc, ce tableau, qui est l'œuvre d'un peintre lorrain qui s'appelle Louis Guingot, que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, ben, on va essayer d'en savoir plus ensemble durant ces quelques minutes. Et donc nous avons, donc, il y a plusieurs mois de cela, eu la chance d'accueillir dans nos collections ce tableau, ce paysage donc, de Louis Guingot, un paysage qui a été exécuté dans les années 1828-1829, et qui s'avère être dans les faits une peinture assez grande. Hein, puisque là, effectivement, vous n'avez pas d'idée du format, mais il faut se dire que la peinture fait à peu près 1 mètre de long et 75 cm de haut. Donc c'est vrai qu'il s'agit d'une belle pièce, d'un beau tableau que jusqu'ici nous n'avons pas eu l'occasion d'exposer à nos visiteurs, puisque comme le disait Monsieur Husson en introduction, vous savez peut-être, hein, le Palais des Ducs de Lorraine est actuellement en rénovation. Donc nous sommes en plein travaux, voilà, on profite d'opérations hors les murs pour présenter évidemment les œuvres du musée dans le cadre de partenariats, mais le palais ducal lui est fermé et vous rouvrira ses portes donc en 2023. Donc en attendant cette date, on profite de nombreuses occasions pour parler des collections malgré tout et pour donc remercier nos généreux donateurs. Ici, il s'agit de Madame Gabrielle, qui est une dame donc, qui habite actuellement Angers et qui était originaire de la région de Nancy. Donc nous sommes allés chercher ce tableau chez elle. Ce tableau était en fait, vous allez le voir, un héritage. Donc il était venu de ses parents qui l'avaient reçu eux-mêmes en cadeau de mariage de la part donc, de l'artiste Louis Guingot. Donc voilà, ça va nous, ce tableau va être finalement le prétexte à interroger donc finalement les relations de Louis Guingot avec son entourage proche donc à la fin des années 20, explorer son travail donc à Custines où il s'est installé après la Première Guerre mondiale. Nous avons là un paysage de sous-bois, donc peut-être une hêtraie. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus et donc de pouvoir voilà, explorer cette relation toute particulière de Louis Guingot avec la forêt qui l'entoure immédiatement à la fin des années 20, la forêt de Custines. Alors je vous propose de découvrir ce tableau et cet artiste en suivant trois grands axes, trois grands fils. D'abord, évidemment, vous avez vu, hein, le tableau dont on parle représente une forêt, un sous-bois. Donc Louis Guingot porte une attention toute particulière à la représentation de la nature. Et évidemment, ce goût pour la nature, eh ben, ce n'est pas un goût isolé chez les artistes de Nancy au tournant des 19e et 20e siècles. Vous le savez peut-être, hein, Louis Guingot fait partie des fondateurs de cette fameuse école de Nancy. Et donc ce goût pour la nature nous permettra finalement d'introduire un peu cet artiste et de rappeler son rôle au sein de l'école de Nancy au tout début de sa carrière. Je ne vous l'ai pas dit, mais notre grand tableau est un peu particulier techniquement. Il ne s'agit pas d'une peinture à l'huile, mais il s'agit en fait d'une peinture à la colle. Donc c'est une technique vraiment spécifique et qui nous dit beaucoup de choses aussi de cet artiste peintre qui est aussi décorateur, vous allez le voir, un artiste touche-à-tout qui a l'habitude finalement de se frotter au très grand format et de mettre en œuvre, qui aime mettre en œuvre donc des techniques tout à fait particulières qu'il va parfois jusqu'à inventer. Et puis, je vous le disais en introduction, le sujet lui-même de notre tableau, c'est la forêt de Custines, la forêt où il trouve refuge après les tumultes de la Grande Guerre. Il sera intéressant, voilà, justement, d'évoquer finalement cet environnement immédiat de l'artiste, donc après la guerre. Alors, tout d'abord, pour les amateurs de Louis Guingot et pour ceux qui voudraient en savoir plus, sachez que pour évoquer le travail de cet artiste, pour en savoir plus, il y a vraiment un ouvrage qui est incontournable. C'est le catalogue qu'ont publié nos confrères donc, du musée d'Épinal. Donc, le musée d'Épinal conserve, hein, une collection très importante d'œuvres de Louis Guingot, mais également d'Henri et de Mercedes Guingot, donc son fils et sa belle-fille. Et donc, vous pourrez retrouver dans cet ouvrage qui date de 2010, beaucoup d'informations et beaucoup d'œuvres donc de cet artiste. Alors, pour commencer, pour vous le présenter rapidement, donc, notre tableau date certes de la fin des années 20, mais de par son sujet, il nous rappelle les débuts, les premiers amours donc, de ce peintre Louis Guingaud, qui est vraiment un artiste de l'école de Nancy. Et comme vous le savez peut-être, hein, ce mouvement intellectuel, pictural et artisanal de l'école de Nancy s'est très fortement intéressé aux représentations de la nature. Je vous mets là pour preuve une œuvre, vous voyez, tout à qui colle aussi, qui aurait pu coller tout à fait avec les thématiques des journées d'histoire régionale, une œuvre de Camille Martin, qui est un autre très grand nom hein, de l'école de Nancy. Donc cette œuvre, cette forêt de Quichompré, qui date de 1896 et qui est donc conservée dans les collections du musée de l'école de Nancy à Nancy. Donc on a là hein, tout un réseau d'artistes et d'intellectuels qui s'intéressent fortement à la thématique de la nature et de la forêt. Alors, notre fameux Louis Guingaud, vous le savez peut-être, en fait, c'est un Vosgien. Il a beaucoup travaillé à Nancy, mais en réalité, c'est un Vosgien qui est né en 1864 à Remiremont et qui est né dans une famille qui était extrêmement, on pourrait dire, ouverte aux arts, à la musique. Donc, voilà, une famille très, très cultivée et qui l'envoie dans les années 1880 se former à Paris. Donc il va bénéficier vraiment d'une solide formation artistique, d'abord à l'école des Beaux-Arts de Paris, et puis très vite, en fait, il rejoint l'école des arts décoratifs, hein, ce qui va beaucoup marquer par la suite sa carrière, les arts décoratifs, où il va suivre l'enseignement de Pierre-Victor Galland, hein, qui va être vraiment son maître et son modèle, qui est un artiste qui est issu des Gobelins et qui va rester célèbre pour sa décoration et ses peintures murales au Panthéon, par exemple, ou à la Sorbonne. Donc le travail de Guingaud, vous allez le voir, va être vraiment nourri de cette formation première aux arts décoratifs de Paris. Alors, à la mort de son grand maître Galland, hein, Louis Guingaud pardon, revient en Lorraine à Nancy en 1892, où il va réaliser finalement ses premières commandes et réaliser ses premiers travaux. Il va participer, vous voyez, en 1894 à un grand temps fort de la vie artistique et intellectuelle nancéenne. Il participe à la première exposition des arts décoratifs de Nancy. Alors, c'est une grande exposition qui est un peu, on va dire, une démonstration de force hein, de ces artistes de l'école de Nancy qui veulent proposer un art nouveau, un art dans tout. Et donc, lors de cette exposition, Louis Guingaud en fait, expose aux côtés de gens comme Émile Gallet, Camille Martin, Antonin Daume, Victor Prouvé. Donc, vous voyez un peu le cercle immédiat. Alors, son travail va être remarqué, en particulier par un critique qui s'appelle Émile Badel et qui va, à partir de là, le surnommer le maître des décorateurs de Lorraine. Donc, vous voyez qu'il va avoir une place tout à fait particulière au sein des artistes nancéens de l'école de Nancy, ça va être le décorateur. Et donc, c'est tout naturellement qu'on le retrouve en 1901 parmi les signataires de cette fameuse Alliance provinciale des industries d'art, plus connue sous le nom d'école de Nancy, qui est formalisée donc, à ce moment-là. Alors, je vous disais que les artistes de l'école de Nancy avaient un goût et une appétence toute particulière pour la nature. Donc là, c'est tout simplement pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous savez que ce sujet a été particulièrement bien étudié. Et puis, si vous avez envie de visiter le musée de l'école de Nancy, vous découvrirez effectivement ces dessins, par exemple préparatoires de l'atelier Gallet pour un vase des ateliers Gallet, ou cette réalisation. Je présente également une lampe que j'aime beaucoup, Figuier de Barbarie, qui est une collaboration entre Daume et Majorelle, où on voit bien comment les artistes se nourrissent de la nature qu'ils étudient précisément, et nature qu'ils n'étudient pas tout seuls, hein, vous le savez peut-être, ils s'adjoignent les connaissances des plus grands botanistes, scientifiques, horticulteurs de la période. Donc là, je mets un petit coup de projecteur sur les collections du musée de l'école de Nancy, mais j'aurais aussi pu vous présenter quelques aquarelles qu'on vient aussi récemment d'acquérir au musée Lorrain, des aquarelles d'Henri Berger, qui sont une sorte d'encyclopédie florale. Quelquefois, on surnomme son travail de la sorte, encyclopédie florale. En fait, il s'agit d'une sorte de répertoire de formes de cet artiste, Henri Berger, pour les productions, dans un deuxième temps, de la Verrerie Daume. Donc vous voyez qu'il y a effectivement un lien vraiment très ténu entre les artistes de Nancy et cette étude de la nature. Alors, comme je vous le disais, au sein de l'école de Nancy, notre fameux Louis Guingot a donc une place tout à fait particulière. Il est le décorateur. Le décorateur, c'est-à-dire que c'est celui qui va se frotter à tous les supports, à tous les formats. Vous avez vu déjà notre tableau, donc je vous présente un extrait juste ici, particulièrement grand, mais c'est rien à côté des décorations qu'il va réaliser pour des hôtels de ville, des résidences, des châteaux, des cafés, etc. etc. Donc les grands volumes ne lui font pas peur et il est curieux de toutes sortes de techniques, de sorte que effectivement, l'œuvre que je vous présente cet après-midi est vraiment représentative de son travail. Alors, parmi les premiers travaux de décorateur qu'il va réaliser dès son arrivée, de son retour en Lorraine à la fin du XIXe siècle, on note par exemple le grand décor pour le théâtre de Verdun, donc qui est un théâtre qui va malheureusement disparaître pendant la Première Guerre mondiale. Mais vous voyez que ce type de commande. Quel type de commande il peut répondre. Je vous présente ici, je vous projette un élément de décor de théâtre, donc pas forcément celui de Verdun, mais pour vous donner malgré tout une idée de son œuvre, qui est donc un fragment de décor qui est conservé à Toul, au musée d'art et d'histoire donc de Toul, et qui date de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle. Donc des théâtres, et puis comme je l'évoquais rapidement, Louis Guingot reçoit aussi des commandes de brasseries ou de cafés pour réaliser de grandes fresques, de grands décors muraux. Ici vous avez un décor qui a aujourd'hui disparu et qu'on connaît grâce à cette documentation qui est conservée au musée. Pour la brasserie Thiers de Nancy, il avait réalisé toute une série de peintures murales sur le thème de Gargantua, donc vous voyez, je vous laisse juste de ce style, avec effectivement des corps qui devaient mettre en appétit. Donc notre décorateur, en fait, très vite, va développer des techniques qui vont être adaptées donc, à ses commandes, à ses formats et à ses supports tout à fait variés. Et donc, au début du XXe siècle, vraisemblablement en 1906-1907, selon l'Est républicain de l'époque, Louis Guingot va développer une technique tout à fait particulière de peinture sur tissu, et il va fonder, donc vous voyez là cette publicité qui est due à un de ses amis, Émile Friant, il va fonder donc les étoffes peintes Guingot, donc une société à Nancy pour fournir des tissus peints à toutes les riches demeures ou demeures bourgeoises de Nancy qui souhaitent donc agrémenter leur intérieur de ce type de décoration. Alors, pour vous donner un petit exemple des décors qui peuvent être donc peints par Guingot de la sorte sur ces tissus. Ici encore un autre don généreux donc au musée, don d'une tenture donc de velours qui est peinte au décor de feuilles, donc qui date vraisemblablement des années 1912 et qui avait été réalisée pour une maison qui se trouve rue d'Auxonne, où habite toujours notre généreuse donatrice. Et donc au moment de l'élévation de l'exécution de cette maison, et bien tout le décor avait été réalisé par les grands artistes de l'époque. On a des vitraux de Gruber et on a donc des peintures murales et des tentures de Louis Guingot, dont cette tenture qui va rejoindre très bientôt donc les collections du musée. Donc vous voyez que son savoir-faire de décorateur, Louis Guingot va essayer finalement de le mettre à l'épreuve de différents supports et il va avoir de cesse d'innover, d'essayer de développer de nouvelles techniques. C'est ce qui explique aussi pourquoi, peut-être, il reste connu pour cette expérimentation que vous connaissez peut-être, qui est conservée aussi au musée Lorrain. Lorsque la guerre éclate, au début de la guerre, notre fameux Louis Guingot, il veut finalement participer à l'effort de guerre. Il va chercher tout simplement à essayer de mettre son innovation technique, donc sa fameuse peinture sur étoffe, au service de l'armée et donc au service de la défense, puisque comme vous le savez à l'époque, évidemment, le costume, l'uniforme des militaires français ne facilitait pas évidemment la Défense, et donc Louis Guingaud avait proposé cette veste de camouflage qu'il a envoyée au ministère de la Guerre pour effectivement proposer ses services. Il a reçu une fin de non-recevoir, comme vous le savez peut-être, parce qu'évidemment, pour mettre en œuvre autant de vestes qu'il y avait de soldats, évidemment, l'opération était trop importante, vraisemblablement. Les quantités à fournir étaient trop importantes. Toujours est-il qu'on va lui renvoyer cette veste. Vous voyez qu'il manque un petit morceau à la poche. On conserve un échantillon. Et cette idée de camouflage par le textile va, pour le coup, être plutôt développée pour le matériel, avec des bâches de très, très grand format. Et vous savez peut-être, Louis Guingaud vivra un moment un peu de remous à cette période de sa vie, puisque finalement, la paternité même de cette invention va être particulièrement disputée entre plusieurs grands noms nancéens à l'époque, qui de Guingaud, Corbin, Friant ou de Cévola par la suite, fut le premier. Donc vraisemblablement, il s'agissait de Louis Guingaud, mais il va être particulièrement meurtri, du non-succès de sa proposition, et puis par la suite des tentatives de récupération des uns et des autres. Ce qui explique pourquoi, peut-être, après la guerre, Louis Guingaud quitte Nancy. Alors, l'école de Nancy, cette émulation que je vous ai très rapidement présentée, cette effervescence, ce bouillonnement artistique et intellectuel ne va pas survivre de toute façon à la Grande Guerre. Louis Guingaud lui-même aussi quitte Nancy. Sa vie personnelle est particulièrement bouleversée au lendemain de la guerre, puisque sa femme et sa fille qui avaient été mises à l'abri à Blois ne reviendront jamais en Lorraine. Et donc lui, peut-être fatigué aussi de toutes ces disputes et échange avec le ministère de la Guerre, décide de quitter la ville pour s'installer donc à deux pas de là, à Custines, qui est un petit village à côté de Nancy, au confluent de la Meurthe et de la Moselle. Et il va passer beaucoup, beaucoup de temps, et finalement, à observer la forêt, la nature, les lumières de la campagne pour les rendre, vous allez le voir, dans toute une série de peintures à thématique forestière. Alors, je vous présente très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Custines, la localisation de ce village. Vous voyez, donc Custines se trouve juste ici, et vous voyez qu'effectivement, aux alentours, il va avoir un peu l'embarras du choix pour ses balades en forêt. Évidemment, la forêt domaniale de Custines, celle de Faux également, celle de Millery. On n'est pas loin non plus du bois du Grand Couronné. Ça parle peut-être aux amateurs d'histoire de la Première Guerre mondiale. Bois du Chapitre, etc. Et puis, en face, on a également ici donc la forêt de l'Avant-Garde, donc dans ces boucles, sur les hauteurs de part et d'autre de la Moselle, vraisemblablement, il a beaucoup parcouru ces forêts pour réaliser bon nombre de ses œuvres. Ces forêts où également beaucoup de témoignages le décrivent aussi dans son parc, puisque lorsque Louis Guingaud s'installe à Custines, il s'installe dans une demeure qu'on appelle alors le château, et qui est entouré par un parc tout à fait important, qu'on ne connaît plus malheureusement aujourd'hui, parce que toute cette zone va être particulièrement détruite par les bombardements de 1944. Alors malgré tout, pour se projeter un petit peu et essayer de se mettre dans l'atmosphère, l'ambiance de cette forêt de Custines, je vous projette cet après-midi à l'écran donc un autochrome, donc une photographie qui est donc l'œuvre de Jules Gérardin. Alors on est avant la Première Guerre mondiale, mais malgré tout on est avant tous les travaux d'aménagement qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'on se balade à Custines, on n'a peut-être plus forcément cette même atmosphère. Sachez que si vous êtes intéressé par ces photographies, le site de l'École nationale supérieure d'art et de design, donc les Beaux-Arts de Nancy, a numérisé plusieurs centaines, un nombre important d'autochromes qui sont tous consultables en ligne. Je vous ai mis l'adresse. Et puis, par village, vous pouvez retrouver comme ça des paysages tout à fait intéressants. Donc, ici, femme à la campagne, Custines, en 1909. Donc voilà, c'est dans ces paysages quelque peu idylliques que notre artiste aime trouver son inspiration. Et de fait, il se trouve qu'on va conserver dans les musées de la région beaucoup de tableaux de Louis Guingaud qui présentent son propre parc ou ses forêts aux alentours. Alors évidemment, le musée de Remiremont avec ce tableau qui s'appelle donc l'Arbre mort. Au musée Lorrain, donc à Nancy, on conservait déjà cette petite peinture d'un format beaucoup plus modeste que celle que je vous ai présentée cet après-midi. Et puis, alors là, vous voyez, on est vraiment dans une série, puisque Atoul, eh bien, dans les mêmes dimensions, et très au printemps, figure également un paysage assez proche de notre paysage, donc tout à fait... que je vous présente à nouveau, hein, et qui vient donc de rejoindre les collections du musée Lorrain. Donc vous voyez là la technique, hein, de Louis Guingaud, elle a consisté eh bien, surtout à resserrer le cadre pour mettre en valeur, cette forêt en fin d'hiver. Hein, on imagine les rayons du soleil qui pénètrent cette forêt peut-être de hêtres ou d'autres essences. La neige fond, on voit à l'horizon peut-être voilà, une clairière ou des parcelles à cultiver. Enfin, la composition est quand même extrêmement, extrêmement soignée. Et on voit que cet artiste, à la fin de sa carrière, vers 1928-1929, maîtrise suffisamment cette technique, cette peinture à la colle et cette science de la composition pour proposer donc une œuvre tout à fait intéressante. Et je voulais terminer avec une photo de mariage parce que sans eux, nous ne serions pas là à discuter de ce tableau. Donc voilà, je vous présente Georges et Suzanne, donc Georges Julien, Suzanne Mauss. Cette photo, elle date du 2 avril 1929 et c'est à ces deux personnes, donc Suzanne et Georges, que Louis Guingaud offre le tableau dont nous venons de parler en cadeau de mariage, puisque Louis Guingaud avait vraiment lié des liens d'amitié très très forts avec le maire de Custine, donc Antoine Julien, qui est donc le beau-père de la mariée, n'est-ce pas ? Et donc Louis Guingaud participe à ce mariage, offre ce tableau, ce qui explique aussi pourquoi, lorsque la donatrice donc, nous offre le tableau il y a quelques mois de cela au musée, elle insiste pour que soit fait mention à l'inventaire du musée que ce tableau est donné en mémoire d'un mariage d'amour. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce souvenir. Louis Guingaud, quant à lui, il va rester dans ses environs immédiat de Custine jusqu'en 1936. Il quitte son château et son parc parce que la mairie de Custine en fait, avait un projet à l'époque qui ne se réalisera jamais. Comme je vous le disais, la zone va être bombardée. Louis Guingaud, de son côté, lui, va s'installer à Lay-Saint-Christophe où il terminera sa vie jusqu'à s'éteindre en 1948. Voilà, je vous remercie. Et si vous voulez retrouver ce tableau et bien d'autres, sur notre site internet, vous trouvez une page collection avec voilà, les œuvres majeures du musée.